Merci Caterina. Je voudrais avant toute chose présenter mes excuses pour mon absence d'hier, non seulement aux organisateurs mais aussi aux intervenants d'hier. J'intervenais dans un séminaire au même moment, j'en avais prévenu Caterina et voilà, je suis désolée de ne venir que cet après-midi. Et je remercie également Caterina et Thomas pour cette invitation qui m'a en fait obligée à une reformulation et à même une systématisation d'éléments qui étaient encore épars dans ma thèse. Donc finalement le label normes et institutions m'a obligée à des évolutions, donc je vous remercie. Alors je me propose d'étudier dans cette intervention les rapports que Durkheim établit au sein de sa sociologie entre normes et institutions, je me suis pliée à l'exercice, et plus exactement en fait les rapports qu'il établit entre pratiques, normes et institutions. Et je défendrai à cet égard l'idée que ces rapports entre pratiques, normes et institutions ont fait l'objet, au fur et à mesure de l'œuvre de Durkheim, d'une inversion complète de causalité, passant de ce que j'appellerais un schème spontanéiste, caractéristique des œuvres de jeunesse, dans lequel les normes et les institutions émergent spontanément des pratiques, à ce que j'appellerais un schème institutionnaliste, caractéristique des œuvres de maturité, dans lequel ce sont au contraire les institutions qui fondent les normes et par là même les pratiques. Et il s'agira dans cette intervention de s'interroger, alors au-delà de la présentation de cette évolution, de s'interroger tout particulièrement sur les raisons d'une telle inversion. D'autant plus que finalement, et c'est là où je pense avoir évolué par rapport à ma thèse, d'autant plus que il me semble aujourd'hui que cette évolution constitue l'évolution décisive de Durkheim au-delà de la scansion usuelle qu'on fait depuis Talcott Parsons, entre un premier Durkheim qui serait sociologue du droit et de l'économie et un second Durkheim qui serait sociologue de la religion. Il me semble que par cette évolution entre schème spontanéiste et schème institutionnaliste, on a en fait une scansion de l'œuvre de Durkheim beaucoup plus fine. Alors il s'agira également de dégager les définitions ou les acceptions de l'institution qui sont sous-jacentes à ces deux schèmes, spontanéiste et institutionnaliste, mais pour ne pas en rester au seul niveau du commentaire durkheimien et pour répondre à une autre injonction portée par le sous-titre du colloque « Nouveaux enjeux, nouveaux regards », je me suis demandé qu'est-ce que Durkheim pouvait, avec cette révolution, apporter comme nouveaux enjeux et comme nouveaux regards. Ce que je vais essayer tout particulièrement de montrer, c'est que le second schème institutionnaliste est porteur d'une nouvelle conception originale de l'institution qui offre en particulier un moyen de penser en philosophie sociale un dépassement de l'opposition entre institué et instituant. Donc je ferai tout cela en trois temps. Je vais d'abord présenter l'évolution durkheimienne du schème spontanéiste au schème institutionnaliste. Dans un second temps, j'essaierai de réfléchir aux raisons qui peuvent expliquer cet abandon du schème spontanéiste, et ce faisant, je ferai de manière différée une réponse à Claude Gauthier qui m'avait posé cette question lors de ma soutenance de thèse. Et c'est dommage qu'il soit là. Et dans une troisième partie, j'essaierai de dégager le. J'y réfléchis. Dans une troisième partie. J'analyserai la conception de l'institution qui émerge dans le second schème institutionnaliste et ce dépassement possible qu'on peut y voir entre instituant et institué. Donc je commence par la présentation de l'évolution de Durkheim, mais tout d'abord donc parce que j'ai appelé ce schème spontanéiste et que je loge de manière centrale dans la première édition de la division du travail social. Donc l'édition de 1893, vous verrez que la rupture se fait en particulier dans la seconde édition de 1902. Donc là, pour l'instant, j'en reste à la première édition de 1893. Dans cette première édition, Durkheim soutient que les normes et les institutions sociales, dans leur impérativité même à l'égard des consciences individuelles, se dégagent spontanément des rapports sociaux les plus réguliers. Et c'est en cela que j'y décèle une conception spontanéiste de la norme et de l'institution. Et cette conception spontanéiste, elle est explicitement énoncée, tout particulièrement dans le troisième livre de la division du travail social, qui est consacré aux formes pathologiques de division du travail, et plus particulièrement encore dans le chapitre 1 de ce livre 3, qui est consacré à la division du travail anomique. Sachant que l'anomie désigne précisément le moment où la règle ne s'est pas établie. Et donc Durkheim, dans ce cadre-là, réfléchit au processus qui explique l'émergence d'une règle. Je cite un passage assez long, je vous prie de m'en excuser, de ce chapitre 1 du livre 3 de la division du travail social. Il y a certaines manières de réagir les unes sur les autres, qui, se trouvant plus conformes à la nature des choses, se répètent plus souvent et deviennent des habitudes. Puis les habitudes, à mesure qu'elles prennent de la force, se transforment en règles de conduite. Le passé prédétermine l'avenir. Autrement dit, il y a un certain départ des droits et des devoirs que l'usage établit et qui finit par devenir obligatoire. La règle ne crée donc pas l'état de dépendance mutuelle où sont les organes solidaires, mais ne fait que l'exprimer d'une manière sensible et définie en fonction d'une situation donnée. Alors là, la comparaison est intéressante. De même, le système nerveux, bien loin de dominer l'évolution de l'organisme, comme on l'a cru autrefois, en résulte. Les filets nerveux ne sont vraisemblablement que les lignes de passage qu'ont suivi les ondes de mouvement et d'excitation échangées entre les divers organes. Ce sont des canaux que la vie s'est creusée à elle-même en coulant toujours dans le même sens, et les ganglions ne seraient que le lieu d'intersection de plusieurs de ces lignes. Donc tant le passage lui-même que la comparaison avec le système nerveux l'illustrent, ce qu'affirme Durkheim ici, c'est que la vie sociale est faite de rapports qui se répètent, qui ont cette tendance à se répéter, et qui, dans cette répétition, dans leur répétition successive, tendent à se fixer. Alors là, j'utilise volontairement des concepts durkheimiens, se fixer, se consolider, se cristalliser, d'abord sous forme d'habitude, de coutumes, de traditions, ensuite sous forme de règles morales, puis sous forme de règles juridiques, et enfin sous forme institutionnelle. Donc vous le voyez, dans ce premier schème spontanéiste, les normes, comme les institutions, sont des rapports sociaux répétés et qui, par cette répétition, se trouvent consolidés, cristallisés, organisés. En d'autres termes, les normes et les institutions sont le produit de la répétition et de la régularité. Elles s'ancrent dans les usages collectifs via leur répétition régulière, ce qui implique, d'une part, que leur extériorité par rapport aux consciences individuelles et consécutivement leur impérativité résulte de cette répétition dont elles sont l'incarnation. En d'autres termes, la règle, dans son obligatoriété, ne fait qu'exprimer une régularité factuelle ou phénoménale. Et ce qui implique d'autre part que, puisque les normes et les institutions ne sont pas sont le produit de la répétition, elles ne sont pas le produit de décisions politiques ou de réformes politiques, c'est-à-dire que vous le comprenez, dans une telle perspective spontanéiste, ce n'est pas le législateur, ce n'est pas la politique qui crée ex nihilo, qui peut créer ex nihilo ni les normes ni les institutions. Et on rejoint ici une critique forte, constante de Durkheim, qui est la critique du légicentrisme. Alors, surtout, c'est un premier niveau, mais surtout dans ce schème spontanéiste, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui différencie les normes coutumières, les normes morales, les normes juridiques et les institutions. En fait, ce qui différencie ces différentes strates normatives, c'est seulement, selon Durkheim, un plus ou moins grand degré d'organisation, de cristallisation, de consolidation. Et ça se voit tout particulièrement à deux niveaux. D'abord, dans la distinction que Durkheim opère entre normes morales et normes juridiques. Qu'est-ce qui, Durkheim est tout à fait explicite sur ce point-là dans la division du travail social, qu'est-ce qui, pour Durkheim, différencie une norme morale d'une norme juridique? L'indice externe qui permet de saisir leur différence, c'est le mode d'administration de la sanction. Dans pour les normes morales, la sanction est administrée de manière diffuse, c'est-à-dire qu'elle est administrée par tous indistinctement, tandis que pour les normes juridiques, la sanction est administrée, affirme Durkheim, de manière organisée, c'est-à-dire que le pouvoir de sanctionner est désormais attribué à une fonction spécifique, la fonction judiciaire. Et donc, cette différence d'indice qui réside dans le mode d'administration de la sanction diffus ou organisée révèle bien, témoigne de ce qu'il y a un degré de consolidation et d'organisation supérieur dans le droit par rapport à la morale. C'est ce même mécanisme que l'on retrouve dans la division du travail social et qui permet de distinguer les normes de manière générale des institutions. En effet, et là j'en viens à la définition qu'on peut donner de l'institution dans le premier schème spontanéiste, qui, vous le verrez, n'est pas la même, pas tout à fait la même que celle qu'on trouve dans le second schème. L'institution dans ce premier schème spontaniste caractéristique de la première édition de la division du travail se distingue des autres phénomènes sociaux et en particulier des normes de la réglementation par trois séries de propriétés. Alors là, je fais un travail de systématisation de Durkheim, c'est-à-dire qu'on le trouve de manière épars dans la division du travail social. J'ai essayé de systématiser les caractéristiques de l'institution pour saisir quelle était sa définition dans ce premier moment. Alors, ces trois séries de propriétés sont la suivante. D'une part, la consistance. D'autre part, la définition. Et enfin, troisièmement, l'organisation. Alors, le critère de la consistance renvoie à la qualité des relations que les membres établissent au sein de l'institution. C'est-à-dire que dans un groupe faiblement consistant, les membres n'entretiennent que des contacts ponctuels et superficiels, alors que dans une institution, c'est-à-dire dans un groupe fortement consistant, les individus, les membres de l'institution, vont tisser des liens fréquents et étroits, jusqu'à d'ailleurs l'atteinte et la permanence d'un corps, le terme est convoqué ici par Durkheim, un corps au sens littéral du terme. Donc l'institution, elle fait corps. Ça, c'est pour le premier critère de l'institution. Second critère, celui de la définition, critère qui renvoie à la délimitation des contours du groupe et qui, par là même, engage l'unité dont est susceptible un groupe. Précisément, pour Durkheim, un groupe confus désigne un agrégat qui n'a ni frontières ni unité, alors que l'institution constitue un groupe défini, c'est-à-dire un groupe tout à la fois différencié des autres sous-groupes sociaux et qui par là même atteint son unité. Enfin, troisième critère, le critère de l'organisation. Cette fois-ci, ce critère de l'organisation ne renvoie plus à l'organisation externe du groupe, mais à son organisation interne, et tout particulièrement à la structuration et hiérarchisation du groupe. C'est-à-dire que, pour Durkheim, une institution doit en plus avoir la caractéristique d'être un groupe fortement structuré et hiérarchisé. Donc vous voyez, à partir de ces trois séries de critères, consolidation, définition, organisation, l'institution durkheimienne dans le premier schème spontanéiste représente, regroupe, subsume les groupes qui sont fortement consistants, fortement définis et fortement organisés, et qu'on est bien ici face à une première définition de l'institution comme groupe existant et constitué, défini et organisé. En d'autres termes, si on cherche des illustrations de ce qu'est une institution dans ce premier moment, on pense par exemple à la famille, on pense très fortement à la corporation, au groupement religieux, à l'armée, bref, à ce qu'on pourrait désigner comme les institutions, Elodie appelait jusque-là les institutions sociales. Alors, précisément, les choses basculent. C'est là où il me reste encore un peu de travail à faire et pour tracer le moment précisément où s'opère le basculement entre le schème spontanéiste et le schème institutionaliste. Mais dès 1895, donc la première édition de la division du travail social date de 1893, mais dès 1895, dans le cours de Durkheim sur le socialisme, dans la critique que Durkheim propose de l'auto-organisation industrielle défendue par Saint-Simon, on trouve déjà un basculement vers le second schème. Mais de manière beaucoup plus explicite, les lieux où on trouve ce second schème totalement explicité, c'est la conclusion du suicide. La conclusion du suicide, c'est la première formulation par Durkheim de sa proposition de rénovation des corporations. Et surtout, le lieu où la différence se fait flagrante, c'est quand on lit à la suite la préface de la seconde édition de la Division du Travail Social par rapport à la suite du texte qui est celui de la première édition. Là, vraiment, le geste, on saisit tout à fait le basculement, d'autant plus que dans la préface de la seconde édition, Durkheim est en train de réfléchir de manière réflexive sur sa réforme. Il revient de manière réflexive sur sa réforme corporative. Et donc, tout particulièrement dans cette seconde préface, Durkheim dénonce comme insuffisante la solution spontanéiste de 1893. Et il affirme que le seul ajustement des pratiques, celui-ci fut-il régulier, ne peut être confondu avec leur réglementation et leur institutionnalisation. Et donc je cite le passage de la préface de la seconde édition où cette critique de la conception spontanéiste fait. Une règle, en effet, n'est pas seulement une manière d'agir habituelle, c'est avant tout une manière d'agir obligatoire, c'est-à-dire soustraite en quelque sorte à l'arbitraire individuel. Or, seule une société constituée jouit de la suprématie morale et matérielle qui est indispensable pour faire la loi aux individus. Seule aussi, elle a la continuité et même la pérennité nécessaire pour maintenir la règle par-delà les relations éphémères qui l'incarnent journellement. Il y a plus, son rôle ne se borne pas simplement à ériger en précepte impératif les résultats les plus généraux des contrats particuliers, mais elle intervient d'une manière active et positive dans la formation de toute règle. Donc, vous voyez qu'ici, Durkheim change radicalement de position et reproche à la règle, à la norme telle qu'il l'a pensée en 1893, de n'être ni véritablement sociale, ni véritablement contraignante. L'émanation spontanée des normes depuis les pratiques, même régulières, semble condamner en 1902 cette règle, cette norme de 1800, je sens que je vais m'embrouiller, cette norme de 1893 à n'être qu'une émanation individuelle et par là même à ne pas avoir l'obligatoriété nécessaire à la norme sociale. Et c'est véritablement une inversion de causalité à laquelle on assiste, puisque désormais, seules les pratiques individuelles réglementées reçoivent la qualification de sociale. C'est-à-dire que la norme sociale, loin de dériver des pratiques individuelles, permet les pratiques sociales. Bref, l'émergence de 1893 de la norme et des institutions depuis les pratiques semble, en 1902, les priver de l'extériorité nécessaire par rapport à ces pratiques qui caractérisent le social pour Durkheim. Et à cet endroit-là, précisément, la question est, on a compris que les normes ne pouvaient pas dériver de pratiques, contrairement à ce qui se passait en 1893, reste la question de quoi ces normes dérivent, et là, précisément, Durkheim affirme, elles dérivent du groupe institué. Une règle, affirme toujours Durkheim dans ce même passage, je ne fais qu'en faire le commentaire, une règle sociale, affirme Durkheim, est une règle formée, je le cite, de manière active et positive, et maintenue par une société constituée. Donc, une règle pour être véritablement sociale et non pas seulement individuelle, pour être véritablement obligatoire et non pas seulement habituelle, doit être élaborée et mise en œuvre par un groupe social, par un groupe institué. Et c'est précisément pour cela que j'appelle cette seconde solution, solution institutionnaliste. Donc, si je récapitule, on passe d'une émergence spontanée de la normativité sociale depuis les pratiques. On passe d'une génération spontanée de normes qu'il ne serait pas nécessaire d'instituer, qui se mettent en place spontanément depuis les pratiques, à au contraire, des normes et des pratiques sociales qui sont socialement instituées par des groupes constitués, nécessitant l'intervention du groupe, l'existence et l'intervention du groupe. Ce qui fait que si on doit schématiser ce schéma, je dirais que avec le schème spontanéiste, on a une solution par le bas, c'est-à-dire que c'est les pratiques qui progressivement s'effectuent et s'incarnent en institution, tandis que on revient à une conception de la normativité par le haut dans le second schème, où il faut au contraire une effectivité, la règle incarne l'efficacité des institutions. Si j'ai bien compris, le concept de régulation était un concept mobilisé fortement hier, il me semble qu'il y a dans ces deux schèmes deux conceptions de la régulation distinctes. Dans le premier schème, la norme d'ajustement est atteinte dans l'ajustement progressif et réciproque des éléments. C'est-à-dire qu'on a un modèle horizontal de la règle dans lequel la règle procède de l'ajustement progressif des activités, et dans ce cadre, régulation égale autorégulation, tandis que dans le second schème, c'est au contraire la norme d'ajustement qui commande l'ajustement des éléments, c'est-à-dire qu'on est face à un modèle vertical de la règle dans lequel la règle norme les activités, depuis une institution extérieure en charge de son élaboration et de son maintien, et on est face à une régulation qu'on pourrait qualifier d'institutionnelle. Alors, il va indéniablement manquer du temps, pour autant je voudrais quand même juste souligner un des lieux où ça se voit tout, où cette évolution se voit tout particulièrement bien, à savoir donc un élément qui constitue un fil du dialogue que j'entretiens avec Élodie, à savoir la corporation, étant donné que Durkheim comme Hegel propose une rénovation des corporations professionnelles. Et précisément, si on regarde attentivement l'évolution qui se joue entre la première et la seconde édition de la division du travail social, dans la première édition du travail social, il n'est pas à proprement parler question de réforme des corporations, de réforme corporative. Il est question de l'émergence du groupement professionnel. Et ce n'est que dans la seconde édition, donc dans la préface de la seconde édition, que le terme même de réforme corporative apparaît, puisqu'il y a bien un groupe à instituer, la corporation, pour produire des règles et normer des pratiques. Donc c'est juste pour illustrer ce passage. Alors, tu es très très strict, Karine. Non, pas du tout. Okay. Donc, ce que je vais... ce que je vais faire, c'est je vais aller très très vite sur ma seconde partie pour pouvoir passer plus de temps sur la troisième. Je pense que, étant donné les retards d'avant, tu as encore 5 minutes au moins. Seulement. D'accord, je pense en avoir 10. J'en ai plus de 10. Donc dans les 10 minutes qui me restent, je vais aller très très vite sur la seconde partie, qui est la question des raisons pour lesquelles Durkheim aurait procédé à un tel abandon, d'autant plus que Claude Gauthier n'est pas là. Donc dans les raisons qui peuvent justifier que Durkheim ait abandonné le premier schème spontanéiste pour le second, je pense qu'il y a essentiellement le fait que le schème spontanéiste est associé par lui dans la première édition de la division du travail à un corrélat non seulement fonctionnaliste, mais également à une logique reproductive. C'est-à-dire que précisément les pratiques qui vont se consolider en normes et en institutions sont les pratiques solidaires, c'est-à-dire les plus conformes à la solidarité sociale, c'est-à-dire celles qui correspondent au bon fonctionnement de la société. Et donc, avec cette logique fonctionnaliste, les normes et les institutions se voient soumises à la logique, à ce qu'on pourrait appeler la logique reproductive du corps social. C'est-à-dire que ce qui est en jeu dans ces normes, dans ces institutions, c'est la possibilité pour les sociétés de se maintenir comme totalité cohésive. Et ceci n'empêchant aucunement, mais je reviendrai si vous voulez dans les questions, je vais là très vite pour passer à la troisième partie, ceci n'empêchant aucunement l'évolution sociale, n'empêchant aucunement une pensée du changement social, mais précisément les changements sociaux dans une telle perspective, les changements de normes, les changements institutionnels, sont pensés comme des modalités adaptatives de la société. C'est la société qui s'adapte pour continuer à se maintenir comme totalité cohésive. Donc je passe sur ma seconde partie que je réduis à son minimum et j'en viens à la troisième partie, à savoir quelle conception de l'institution est en jeu dans le second schème institutionnaliste et surtout en quoi cette conception de l'institution permet d'échapper aux apories du premier schème, à savoir cette logique reproductive et fonctionnaliste. Comment ça permet d'échapper à cette logique? Alors, je partirai, pour faire les choses efficacement, d'un constat, à savoir que la définition de l'institution change entre le premier et le second moment. Et véritablement, la seconde définition de l'institution chez Durkheim coïncide avec le basculement vers le schème institutionnaliste. Cette seconde définition, vous devez pour ceux qui font de la philosophie sociale, elle est connue. C'est la définition que l'on trouve dans la seconde préface. Je suis désolée avec toutes ces premières éditions, seconde édition. Donc cette seconde définition, vous la trouvez dans ce qu'on appelle la seconde préface, c'est-à-dire la préface de la seconde édition des règles de la méthode sociologique, qui date de 1901. Et Durkheim y définit de la sorte l'institution, cette définition étant à relier immédiatement avec l'inversion de causalité que j'ai présentée en première partie. C'est ce geste-là que je n'avais pas fait dans ma thèse, que vous m'avez permis de faire. On peut, en effet, je cite Durkheim, ça se trouve à la page 22 de la seconde préface des règles, on peut en effet, sans dénaturer le sens de cette expression, appeler institution, et là, accrochez-vous, toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité. La sociologie peut alors être définie la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement. Donc vous voyez, dans cette seconde définition, Durkheim élargit considérablement le concept d'institution, je dirais de son sens morphologique initial, celui que j'ai désigné par les critères de la consistance de la définition et de la structuration du groupe, à un sens beaucoup plus large qui semble regrouper l'ensemble des phénomènes mentaux, des phénomènes spirituels qui sont permis par l'existence d'un groupe institué, le premier sens de mon institution. Donc, il faut qu'il y ait une institution au premier sens, mais institution prend un sens plus large qui désigne toutes les représentations collectives permises par l'existence de ce groupe et normant les conduites. Vous voyez comment cette seconde définition est immédiatement corrélée à l'inversion de causalité que j'ai dévoilée. Et précisément, à partir de là, l'exemple paradigmatique de l'institution ne va pas être la famille ou le groupe religieux ou la corporation, mais bien plutôt des représentations collectives telles que, alors je pense que la représentation, la croyance totémique peut en être une illustration. Alors il faut bien qu'il y ait groupe religieux, mais l'institution est déplacée à la croyance permise par ce groupe religieux, si je suis cet exemple. Et c'est ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est que dans ce passage à un second sens plus large de l'institution, dans ce second sens, se joue un dépassement de la logique fonctionnaliste et reproductive caractéristique du premier moment. Alors pour le montrer, je vais m'appuyer, pour le montrer en 3 minutes, ça va être en fait très compliqué. Pour le montrer, je vais m'appuyer sur essentiellement 2 textes, à savoir l'article Représentation individuelle et représentation collective que vous trouvez dans Sociologie et philosophie et qui date de 1888 et la préface donc de la seconde édition des règles qui date de 1900. Et dans ces 2 textes, Durkheim temporalise, vous voyez qu'on est passé d'une dimension matérielle de l'institution à une dimension spirituelle, représentante ou mentale, et précisément dans ces 2 textes, Durkheim précise les rapports qui existent entre ces 2 dimensions en les temporalisant. C'est-à-dire que, premier moment, les représentations collectives normatives, qui sont désormais les institutions au sens large, ont bien pour source, affirme Durkheim dans ses textes, la société. Plus exactement, comme l'a révélé la seconde partie de mon exposé, la société dans ses dimensions matérielles et instituées, que ça prenne le nom d'organisme social, de corps social ou de structure sociale. Et donc, dans ce sens, la société continue de produire des représentations collectives selon des exigences morphologiques, qui constitue sa logique reproductive. Mais précisément, cette explication morphologique des représentations collectives, des institutions au sens mental, Durkheim le précise immédiatement, n'a qu'une portée limitée. C'est-à-dire qu'elle ne rend compte, selon lui, que de la matière première de toute conscience sociale. L'expression est de lui. Donc elle ne rend compte que de la matière première de toute conscience sociale. C'est-à-dire que si elle peut expliquer la genèse de la vie sociale psychique, selon une logique reproductive que j'ai analysée dans la seconde partie de mon exposé, elle ne peut en expliquer le développement. Et je vous cite un passage de l'article « Représentation individuelle et représentation collective ». Mais une fois qu'un premier fond de représentation s'est ainsi constitué, elles deviennent des réalités partiellement autonomes qui vivent d'une vie propre. Elles ont le pouvoir de s'appeler, de se repousser, de former entre elles des synthèses de toutes sortes qui sont déterminées par leurs affinités naturelles et non par l'état du milieu au sein duquel elles évoluent. En d'autres termes, les représentations collectives normatives qui constituent le second sens, la seconde définition durkheimienne de l'institution, n'ont pas pour cause dans leur développement, dans leur vie propre, la structure sociale et n'a pas pour fonction le maintien de la structure sociale. Ce qu'affirme Durkheim, c'est que ces représentations collectives normatives ont pour cause d'autres représentations sociales et c'est ce mécanisme que Durkheim appelle l'idéation collective. Et précisément, cette idéation collective, qu'est-ce que c'est ? C'est la tendance des représentations collectives normatives à se synthétiser, à faire des synthèses entre elles. Et précisément, ces synthèses, pour Durkheim, sont des synthèses créatrices, donc qui échappent à la logique reproductive du corps social. Et donc, vous voyez, dans ce second cadre, on échappe très largement ce que j'ai appelé la logique reproductive du corps social, c'est-à-dire que l'idéation collective est une activité créatrice parce que synthétique. Elle est par là même le lieu d'une véritable créativité sociale qui n'est pas subordonnée à une source et à une finalité structurelle. Alors, pour autant, l'activité créatrice de l'idéation collective, au contraire de l'action reproductive de la structure sociale, ne constitue pas, dans l'article de 1898, une explication complète. En effet, la question à laquelle on est amené à se poser à la lecture de ce texte est la suivante. Si ce n'est pas la structure sociale qui détermine les synthèses entre représentations collectives, qu'est-ce qui les détermine ? Qu'est-ce qui fait que telle représentation collective s'associe à telle autre ? Et la réponse que donne Durkheim dans ce texte, c'est largement, on reste très largement sur sa fin, puisqu'il nous dit, dans le passage que j'ai cité, qui sont des synthèses qui sont déterminées par les affinités naturelles des représentations collectives. Donc ça serait des représentations, on est là dans un système assez proche de Hume, où il y aurait des affinités naturelles entre les idées qui expliqueraient leur synthèse créatrice et le fait que de nouvelles représentations collectives émergent. Donc la question qu'on est amené à se poser, c'est qu'est-ce qui détermine ces affinités naturelles, puisque ça ne peut pas être la structure sociale. Alors, l'article de 1898 ne répond pas à cette question, c'est dans les formes élémentaires de la vie religieuse, et plus spécifiquement dans la conclusion des formes élémentaires de la vie religieuse, que Durkheim propose une explication sociologique complète du mécanisme de production sociale qui est décrit avec l'idéation collective. En effet, dans ce texte, Durkheim exhume un fondement des synthèses créatrices indépendant à l'égard de la structure sociale. Je le cite. Cette synthèse a pour effet de dégager tout un monde de sentiments, d'idées, d'images qui, une fois nés, obéissent à des lois qui leur sont propres. Ils s'appellent, se repoussent, fusionnent, se segmentent, prolifèrent, sans que toutes ces combinaisons soient directement commandées et nécessitées par l'état de la réalité sous-jacente. La vie ainsi soulevée jouit même d'une assez grande indépendance pour qu'elle se joue parfois en des manifestations sans but, sans utilité d'aucune sorte, pour le seul plaisir de s'affirmer. En d'autres termes, vous le voyez ici, ce n'est pas l'utilité des synthèses pour la structure sociale, pour le corps social, qui détermine l'idéation collective à les former. Au contraire, Durkheim affirme que l'activité synthétique de l'idéation collective est une activité dispendieuse qui agit, je le cite, pour le seul plaisir de s'affirmer. En d'autres termes, Durkheim procède ici à une opposition entre une logique dispendieuse de la pensée sociale opposée à la logique utile, utilitariste du corps social. Quand le corps social agit de manière intéressée selon le critère de l'utilité, au contraire, la pensée sociale agit de manière désintéressée selon le modèle de la dépense. Or, ce qui est intéressant, et c'est là où j'en viens à ce dépassement de l'opposition instituant-instituée, or, cette logique dispendieuse créatrice synthétique de l'idéation collective n'est pas sans effet, selon Durkheim, sur la structure sociale. Je cite un autre passage de la conclusion des formes élémentaires de la vie religieuse. Une société ne peut ni se créer, ni se recréer, sans du même coup créer de l'idéal. Cette création n'est pas pour elle une sorte d'acte surrégatoire par lequel elle se compléterait une fois formée. C'est l'acte par lequel elle se fait et se refait périodiquement. En d'autres termes, vous voyez ici la production sociale d'idéaux, donc d'institutions au second sens large spirituel, n'est pas une production à finalité de reproduction sociale, du corps social. Elle est au contraire une dynamique par laquelle la société, comme structure sociale, se crée et se refait, se crée et se recrée, ce sont les termes de Durkheim, se fait et se refait périodiquement. En d'autres termes, les idéaux création de la société ont un effet en retour sur elle et créent cette société. Selon une formule que j'apprécie particulièrement de Georges Gurvitch, les idéaux sont eux-mêmes des producteurs et des produits de la vie sociale. C'est-à-dire que l'activité synthétique de l'idéation collective s'avère être une activité instituante par laquelle la société se transforme, loin d'être figée dans une forme instituée uniquement vouée à la reproduction d'elle-même. Alors, il faut encore, et je vais conclure là-dessus, il reste à préciser que dans cette activité instituante, les oppositions entre production, reproduction, entre processus d'institutionnalisation et entre processus d'institutionnalisation ou force instituante et maintien de l'institué s'avère très largement dépassée. L'activité instituante de l'idéation collective révèle en fait une dynamique de la production et de la reproduction par laquelle toute société se crée et se recrée périodiquement. Et comme l'affirme Hans Joas, elle éclaire, je le cite, le jeu alterné de l'institution et du processus d'institutionnalisation dans lequel tout idéal social se trouve pris. Je vais m'arrêter là, j'avais une suite à ma démonstration. Il est temps de m'arrêter. Merci Mélanie pour cet exposé. Je laisse la parole à la salle pour les questions. Merci beaucoup, ça m'intéresse beaucoup ces questions. Je vais juste poser une question préalable, j'en aurai d'autres, mais est-ce que la distinction entre les deux chaînes, ce serait la distinction entre production non intentionnelle des normes et production intentionnelle? Tu mets qui comme sujet de la production? L'individu. Dans ce cas-là, non. Dans les deux cas, c'est une production non intentionnelle. Oui, parce que dans le mécanisme d'idéation collective tel que le décrit Durkheim, en particulier dans les formes élémentaires de la vie religieuse, c'est une production sociale. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'une participation de l'individu, mais je ne pense pas que ça se fasse sous la forme d'une intention, c'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui intentionnellement crée un idéal social. L'idéal, il perdrait sa socialité. D'accord. C'est-à-dire que le schème commun la structure commune aux deux schèmes, c'est la contrainte sociale. Dans les deux cas, l'institution contraint. D'accord. Qui a-t-il derrière l'institution dans le deuxième schème? Qui y a-t-il? Enfin, parce que quand tu parles d'institution, c'est quoi exactement? Alors, c'est ce que j'essayais. Ce que j'essayais de dire, c'est que, c'est là où c'est tout à la. C'est sûr que dans le premier schéma, on voit beaucoup mieux ce que c'est. C'est l'institution chose. Je pense que ça fonctionne. C'est le groupe constitué. Donc, on voit bien les limites, et il est incontestable que par rapport à ce premier moment, le second moment dilue la définition au point même qu'il me semble qu'on peut se poser avec pertinence la question de savoir si, dans ce cadre, tout fait social n'est pas une institution. dans la seconde. Représentation des faits. Quoi? Fait ou représentation des faits? Représentation des faits. Non, parce que la définition du fait social comme phénomène spirituel, enfin, ça peut aller tout. Ça... Non, effectivement, c'est pas seulement représentation individuelle d'un fait social. Bon. Sinon, on y perdrait la socialité. Dans le premier chaîne, la notion de contrainte est quand même déjà très présente aussi, mais elle n'a pas du tout dans sa confrontation avec Spencer. Oui, et alors, là, j'ai pas eu le temps du tout de le montrer, je l'ai fait plus précisément dans ma thèse, mais tout l'enjeu pour Durkheim dans cette genèse spontanéiste des normes et des institutions, c'est de penser ce qu'on pourrait appeler une norme organique, c'est-à-dire une norme qui soit tout à la fois sociale, mais pour autant respectueuse de la différenciation individuelle. Et là, le grand enjeu pour Durkheim, c'est de se différencier de Spencer qui, à partir d'une même exigence, à partir de l'exigence de penser les libertés individuelles caractéristiques des sociétés modernes, dilue toute normativité. C'est-à-dire que pour Spencer, précisément, l'ajustement des pratiques différenciées chez Spencer se fait sans besoin, sans émergence d'une réglementation sociale. Elle se fait spontanément selon un mécanisme de main invisible assez classique, alors que Durkheim, au contraire, montre que l'ajustement, ce qu'il cherche à montrer, c'est que l'ajustement produit nécessairement, sauf conditions pathologiques exceptionnelles, produit nécessairement la règle, la réglementation qui encadre cette activité. Concernant la question de la production de la norme, autant dans le premier chaîne on arrive à se représenter comment ça se produit, dans le deuxième on comprend plutôt trop comment elle est produite précisément la norme. Alors déjà là dans ce second chaîne, la norme n'est plus seulement la règle, mais c'est autre chose que j'ai montré, que j'ai déjà présenté ici, n'est plus seulement la règle contraignante, mais également une valeur fonctionne comme une norme dans ce second schème. Donc on a tout à la fois la norme impérative, la règle, qui s'impose aux individus, mais il y a aussi dans ce second moment, je ne pouvais pas tout présenter, enfin c'est-à-dire que pour ceux à qui j'ai déjà présenté cette évolution entre les deux définitions durkheimiennes du fait social, je pense que c'est corrélé aussi. C'est-à-dire que finalement, j'en viens à systématiser l'opposition, à toute cette série d'oppositions que j'avais tracées dans ma thèse ou dans d'autres interventions. Pour ce qui est de la production de la norme dans le second schème, on comprend que ce n'est pas seulement. Déjà, la norme, ce n'est pas seulement la règle impérative, mais c'est aussi la valeur, la fin, l'idéal vers lequel les individus tendent, tout en étant contraints par cet idéal. Et pour ce qui est de leur production, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette production, si elle pouvait s'expliquer originellement par la structure sociale, ne se trouvait pas épuisée par cette explication. Et Durkheim ajoute un second niveau qui est cette vie propre des représentations collectives. Alors, effectivement, je comprends qu'on puisse... qu'on puisse rester avec quelques questions suite à cette... J'imagine que là, vous avez tous... Est-ce qu'il faut aller jusqu'à mettre Durkheim avec Bergson, alors est-ce qu'il y a un vitalisme créatif J'aurais plus mis avec Lévi-Strauss sur cette logique des représentations. Lévi-Strauss, à la fin du totémisme aujourd'hui, rend un hommage assez marqué à Bergson. De toute façon, concrètement, si vous lisez les textes durkheimiens, il y a énormément de références à la vie, à la. Je pense que. Effectivement, on a plutôt. On les oppose, Durkheim et Bergson, mais il y a une forme de. Enfin, une des principales manières pour Durkheim de parler de la société, c'est de parler de vie sociale. Est-ce que c'est une métaphore Et là, dans les extraits que j'ai cités, c'est le point de rupture par rapport à l'explication morphologique du social, c'est de dire les représentations sociales vivent d'une vie propre. Donc effectivement, je pense qu'on est souvent dans des oppositions caricaturales de Durkheim-Bergson et qu'il y aurait vraisemblablement une étude à faire que je n'ai pas faite sur leur rapport très précis sur leur... Là, j'avoue que c'est un travail. Moi, c'est une question justement à ce propos, parce que dans l'ontologie sociale contemporaine, ou la métaphysique sociale, comme dit Petit, il y a cette idée qu'en gros, on ne peut pas comprendre l'existence de faits institutionnels si l'on n'admet pas, si l'on ne pose pas l'existence d'une intentionnalité collective qui n'est pas réductible à une sommation, une addition d'intentionnalité individuelle. Et ce qui est curieux, c'est qu'en général, je lisais récemment un texte de Plotkin qui parlait de Durkheim, ou bien on n'en parle pas, ou bien quand on en parle, c'est pour dire que Durkheim n'a pas su construire une théorie de l'intentionnalité collective, et c'est pour ça que sa théorie des faits sociaux n'est pas satisfaisante. Et en vous écoutant, on a l'impression au contraire qu'il y aurait bel et bien, et notamment dans cette seconde phase, quelque chose comme une théorie de l'intentionnalité collective, et finalement, cette métaphorique de la vie sociale recouvrerait quelque chose comme ça, c'est-à-dire serait une désignation du mode de constitution une intentionnalité ou de représentation normative collective. Alors, je pense qu'il y a un point, un élément des textes durkheimiens qui résiste fortement, c'est le fait qu'il n'y a pas, pour Durkheim, de sujet collectif. Il n'y a pas. Alors c'est ce que je voulais montrer dans la dernière. Il peut y avoir une intentionnalité collective sans sujet collectif. Alors, la manière dont moi. La manière dont je le pense à partir de Durkheim, c'est ce que je comptais vous présenter, le dernier point de mon exposé, c'est. L'idéal social, les représentations collectives normatives de mon second moment, elles ont une seconde caractéristique, c'est qu'elles sont la manière, ce sont des termes de Durkheim, la manière dont la société se pense. Sauf que cette conscience collective n'est jamais présentée par Durkheim comme un donné, comme un fait acquis, mais toujours comme un prendre. En d'autres termes, c'est sur le mode de la conscientisation que cela s'opère. Ça veut dire que, et alors non seulement on est sans, enfin le terme, les termes de Durkheimien, c'est la société en prenant davantage et mieux conscience d'elle-même se transforme, donc ça désigne bien un processus, et surtout ce processus est pour Durkheim sans terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'horizon d'une coïncidence totale du groupe social avec lui-même dans une conscience de soi pleine et entière. Le groupe social ne sera jamais entièrement transparent à lui-même. Et c'est là où le vocabulaire de l'intentionnalité me gêne un peu pour Durkheim. Et précisément, c'est là où ça devient tout à fait intéressant. Comment le groupe social peut accéder à une plus grande et meilleure conscience de soi ? Durkheim affirme qu'il ne peut pas le faire directement, mais qu'il a besoin de la médiation des institutions. Et par exemple, la religion, c'est la médiation institutionnelle dans les sociétés primitives qui permet, j'ai pas eu le temps de présenter tout ça, la médiation institutionnelle qui, dans les sociétés primitives, va permettre aux clans totémiques d'accéder à une meilleure conscience de soi. Dans les sociétés modernes, la réforme corporative de Durkheim a précisément dans l'articulation État-corporation pour fonction de permettre également une meilleure conscientisation, enfin ce mouvement de conscientisation, mais c'est un mouvement sans terme. D'où je suis d'accord qu'il y a. Il y a le processus de conscientisation, mais il n'y a pas résorption de ce processus dans un sujet, dans un grand sujet, comme dit Habermas en critiquant Durkheim, dans un grand sujet, dans une hypostase du sujet individuel au niveau collectif qui serait dans une pleine conscience de soi et une pleine transparence de soi. Je ne sais pas si je réponds à. Vas-y, mais moi je. J'ai écouté cet exposé avec mes outils, juriste, économiste, et j'ai fait un certain nombre de rapprochements avec ce que l'on retrouve par exemple dans les théories de l'émergence, dans les modèles évolutionnaires, et notamment dans les modèles évolutionnaires où on rajoute des possibilités de mutation ou ce genre de choses. Et bien évidemment, l'économie va avoir tendance surtout à regarder l'individu en tant que tel, et de cet individu et de cette coordination entre les deux individus, il peut exister un certain nombre de phénomènes émergents. Et si j'utilise ces outils-là, je me dis, mais effectivement, pourquoi est-ce qu'ils changeraient ? Est-ce que c'est. Je ne vois pas du tout. Pourquoi est-ce qu'ils changeraient de schème. Enfin, je ne vois absolument pas l'intérêt de passer à. Pour avoir une conception holiste qui ne soit pas reproductible. Oui. Pourquoi est-ce que peut-être que j'ai fait les choses trop schématiquement dans le temps qui m'était imparti, mais j'ai bien rappelé que dans l'article de 1898, La première explication de l'émergence des représentations collectives, c'est une explication morphologique. Donc les deux schèmes sur ce plan-là, ce que j'ai développé dans la seconde partie, se retrouvent au début de la troisième. En d'autres termes, c'est une explication incomplète, ce n'est qu'un moment. Et Durkheim ajoute ensuite ce second moment de la vie propre des représentations collectives qui échappe. Je ne dis pas du tout que chez Durkheim, il n'y aurait qu'une logique instituante. Je dis qu'il y a un jeu de l'institut et de l'instituant, de la logique reproductive du corps social et de la logique productive de l'idéation collective. Donc c'est plus un complément que... Quelle serait la différence à ce moment-là? Une nouvelle fois, je fais un rapport, mais j'ai peur de faire une grossière erreur, mais quelle serait... est-ce qu'on ne pourrait pas tisser un rapport entre l'institution et le... Et tout simplement le concept de convention et d'émergence de convention. C'est-à-dire que lorsqu'on parle, par exemple, l'institution qui est pensée comme une croyance, comme des modes de conduite, est-ce qu'on ne pourrait pas également les penser comme tout simplement des conventions, alors au sens limite au sens de Lewis? Et puis, est-ce qu'on... Alors, c'est... Je vais certainement très vite. Et à partir de là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, en fait, la normativité n'existe pas. Je ne pense pas qu'on puisse rapprocher l'institution turkémienne de la convention, précisément parce qu'il n'y a pas accord des parties sur... Oui, mais l'accord n'a pas été... l'accord n'a pas été volontaire, l'accord n'a pas été... La convention, c'est pas volontaire. Dans ce cas-là, oui. Enfin, si convention, c'est coutume. Oui, dans ce cas-là, oui. Oui, alors peut-être même plus dans le premier que dans le second chaîne. Le premier chaîne, c'est vraiment émergence des normes, émergence des institutions depuis les coutumes, depuis la tradition, depuis les usages répétés. Mais moi, j'ai un problème avec le deuxième chaîne qui est d'où vient l'institution, parce qu'il y a l'institution, ensuite la règle. Mais d'où est-ce que vient l'institution? C'est ça. Comment il peut expliquer l'institution avant la règle? Effectivement, là, il n'y a rien. Il y a un groupe. De l'institution. Je n'arrive pas à l'expliquer, je le règle, et puis je... Il y a, effectivement, vous avez raison, on est dans une pensée là où il y a toujours le groupe institué. Et ça va très largement avec une autre... Enfin, c'est une affirmation assez fréquente de Durkheim, de dire, oui, ce qui est premier, c'est le social, c'est pas l'individu. Et on n'a pas à penser l'origine du social. C'est une inversion complète du schème contractualiste, du schème volontariste, c'est évident. C'est ça qui a fait la naissance de la sociologie. C'est cette affirmation que le social est toujours déjà là. Et que c'est au contraire les individus qui... Donc c'est la sociologie non, n'est plus claire. Non, précisément, pour Durkheim, il ne faut pas poser la question de... Pour Durkheim, il affirme qu'il n'y a pas à rechercher l'origine de la première société. Alors, en d'autres termes, il n'y a pas à penser à un état de nature. Le seul moment où on le sent un peu vaciller, quand il pense les sociétés à solidarité mécanique. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage dans la division du travail social où il essaye de penser la horde. Et où il dit, à proprement parler, la horde n'a jamais existé. On n'a pas de témoignages d'ethnologues, d'ethnographes qui décriraient des hordes. On est toujours déjà face à des sociétés qu'il appelle claniques, qui présentent un premier niveau de différenciation. Donc la masse, le terme exact, c'est le magma complètement homogène que serait la horde, c'est une construction du sociologue pour le seul moment où Durkheim se dit... finalement, transgresse sa règle de ne pas penser l'origine du social. Je vous sens insatisfait. Est-ce que le conseil de croyance est résolutif un peu de ce cercle, de ce processus? En fait, c'est au cœur de ce processus, dans le fait que les individus croient à l'existence des institutions. En fait. Je reconnais la... Enfin, c'est effectivement croire en les institutions, croire en leur capacité à durer. Enfin, je suis d'accord que le noyau un peu qui récompense, c'est l'idée de, qu'on a cette croyance. Et de fait, Il y a deux questions, parce qu'il y a la question de... Durkheim en vient à dire que l'institution, c'est la croyance, sont les représentations collectives, ce sont... Dans la croyance, l'idée de normes et contraintes se récompose, en fait. Non, effectivement, il faut... En même temps, je suis en train de réfléchir, est-ce que toutes les représentations collectives dont il est question dans le second moment sont des croyances? Un idéal, est-ce que c'est... Je suis un peu gênée pour répondre. Oui, je pense que j'ai l'impression de plaquer des choses qui... chez Durkheim, je pense que c'est quand même plus large que simplement la croyance. Je pensais aussi à Tard, les lois de limitation, en fait. Mm. Est-ce que c'est en rapport avec... Je veux dire, Durkheim, il fait référence, il est question... Oui, en fait. Mais parce qu'en fait, ces lois de limitation expliqueraient, dynamiseraient, en fait, va rompre ces chemins des... Durkheim est radicalement contre Tard, et pour lui, précisément, Tard confond la cause et l'effet, c'est-à-dire que pour... La polémique entre Tard et Durkheim a été assez violente, elle s'est poursuivie au-delà même de l'existence de ces deux auteurs, vu qu'aujourd'hui il y a Bruno Carsanti et Bruno Latour qui rejouent ce conflit sous forme de pièces de théâtre. Vous avez jamais vu. Ça se trouve sur Internet, si vous voulez. Ils ont joué le rôle. Ils ont fait respectivement le rôle de Tard et de Durkheim. Grand mouvement de la sociologie. Non, ils ont fait une sélection de textes et ils ont joué ce... Vous savez, la première représentation a eu lieu à un colloque de Cerisy. Ils ont fait ensuite une grande représentation à Sciences Po là-dessus. Bref, c'est un vrai conflit. Et ce qui est en jeu dans ce conflit, c'est la question de la généralité du social. Ce que Durkheim reproche à Tard, c'est d'en rester à un niveau inter-individuel, intermentaliste du social. Pour Durkheim... Un fait n'est pas social parce qu'il est général, un fait est général parce qu'il est social. C'est-à-dire que pour Tard, ce qui fait qu'un phénomène est social, c'est le fait qu'il se soit répandu par conduite innovante puis imitative au sein de la société. Donc la socialité du fait vient de sa généralité. Pour Durkheim, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pour Durkheim, c'est la généralité qui est expliquée par la socialité. C'est-à-dire que c'est parce qu'un fait social est un fait contraignant qu'il se trouve présent dans toutes les consciences individuelles et donc qu'il est général dans une société donnée. Donc c'est cette inversion de causalité qui est en jeu dans la politique. Et ça se maintient même dans ces troisième chemin, je crois que l'opposition à Tard est vraiment une constante, qui est une constante de l'opposition. Autant tout à l'heure, ce dont je parlais avec Eva, c'était l'opposition de Durkheim à l'individualisme libéral, qui est une constante. Et une autre constante, c'est l'opposition du holisme durkheimien à l'intermentalisme, ou à l'interpsychologisme, ou à l'interindividualisme. Toutes les formes d'interindividualisme, ou d'intersubjectivisme. J'ai une question sur les représentations, parce qu'en théorie, ça a l'air assez simple de dire que la représentation collective normative vient d'une institution, et puis les autres, c'est celles qui viennent de fusion de représentations. Mais moi, sur mon terrain, je trouve que c'est pas si simple que ça de faire la part des choses, que ça vient de l'institution. Je suis d'accord. Déjà d'emblée, je l'ai dit au départ, pour nouveaux enjeux, nouveaux regards, je me situais uniquement du point de vue de la philosophie sociale et je pense pas qu'il y ait, enfin, je cherche pas à transposer Durkheim pour donner des outils pour la poser. C'était pas le propos, c'était juste ici de thématiser des rapports entre normes et institutions. Effectivement, je pense pas qu'on puisse en faire immédiatement des outils. Pour le moins, je pense que quand même, il a alimenté certaines pratiques, et on peut tout à fait, ce que j'ai esquissé tout à l'heure, mais on peut tout à fait, d'une part, au sein de l'œuvre de Durkheim, si vous prenez un texte comme l'évolution pédagogique en France, il fait précisément ce travail sur l'institution pédagogique, ses allers-retours entre l'évolution historique des institutions et les représentations qui en sont d'abord le substrat, mais qui s'en échappent, qui s'en émancipent progressivement. Donc lui-même a essayé de mettre ça en place sur des objets concrets. Si vous prenez les leçons de sociologie, c'est à peu près la même chose pour, par exemple, le droit de propriété dans son rapport avec le rapport à la propriété, la représentation de la propriété. Donc il a tenté de mettre ça en pratique. Et après, pour ce qui est, je comprends la réticence à dire... qu'est-ce qu'on peut faire de la synthèse créatrice de l'idéation collective en sociologie, par exemple, je comprends le... Sauf que, il me semble que Lévi-Strauss, par exemple, s'appuie en partie sur cette pensée-là pour analyser la luxuriance des mythes, etc. Donc ça ne me semble pas non plus totalement dépourvu de ressorts pour la pratique empirique. Non, j'ai l'impression que ça s'auto-alimente, en fait. Moi, les gens que je vois qui sont côté institution vont me dire « je fais ça parce que j'ai l'impression que la société demande ça ». Ouais, mais bon, c'est ton impression, en fait, quoi. Donc, voilà, il voit des espèces de représentations qui se créent de manière autonome, donc de l'institution, et il les intègre.